je n'oublierai jamais. Oh, ok, qui était là quand j'étais plus bactère, quand j'étais perdu ne sachant plus quoi faire. Le constat, j'ai pris le temps de le faire. Quand j'ai besoin de toi, tu disparais. Quand t'as besoin de moi, tu m'appelles. Refrain, hein. Si j'avais su comment pouvoir gérer mes problèmes, je serais pas là en train de parler à une bouteille. La vie est un rêve, le réveil un cauchemar. Un jour je vais t'allumer, mouille-toi le putain de réveil. Quand tout va mal, on sait sur qui compter. Pratiquement personne sur qui compter. Les doigts d'une main, les vrais, je peux les compter. Je n'oublierai jamais, jamais quand vous m'avez renié. Trop vite m'aurez jugé, maintenant je sais que la roue va tourner. Tes problèmes sont tes problèmes, personne t'aide. Le temps c'est de l'argent, moi j'ai pas sommeil. La haine c'est passionnel, le rap c'est personnel. À quoi bon parler d'amour si personne m'aime. Tes problèmes sont tes problèmes, personne t'aide. Le temps c'est de l'argent, moi j'ai pas sommeil. La haine c'est passionnel, le rap c'est personnel. À quoi bon parler d'amour si personne m'aime. Et quand je repense au passé, souvent mal accompagné. Essayer d'oublier mes problèmes au lieu de les affronter. Victime d'un mauvais départ, combien t'ont mis à part. Blanc, noir, la différence ne se voit que dans le regard des bâtards. Mon cœur est comme un ascenseur, y'a des hauts et des bas. Tu crois en haut, mais franchement y'a des bas. Parce que les vrais gars sont peu, parce que les dégâts nombreux. J'aime pas les discours creux, pas besoin de pupitre. Je serais malheureux sans la fierté de mon public. Croquer la vie comme un bâtard, être imbattable. Je crois plus aux marchands de rêve, en France c'est marche tu crèves. Parlons peu, parlons bien, soyons brefs. Passons, l'éclipse, première sommation, ce qui me pousse la passion. Je me plie même pas sous la pression, le rap est mort, j'en ai l'impression. Le passé c'est le passé, même si aujourd'hui je sens que la roue va tourner. Je n'oublierai jamais ce que j'ai pu endurer. Tes problèmes sont tes problèmes, personne t'aide. Le temps c'est de l'argent, moi j'ai pas sommeil. La haine c'est passionnel, le rap c'est personnel. À quoi bon parler d'amour si personne m'aime. Tes problèmes sont tes problèmes, personne t'aide. Le temps c'est de l'argent, moi j'ai pas sommeil. La haine c'est passionnel, le rap c'est personnel. À quoi bon parler d'amour si personne m'aime. Ça fait quelques semaines que j'ai ce 16 dans la tête. Et puis merde, ne pas le rapper serait vraiment trop bête. Je viens de lire vos commentaires, ça fait super plaisir. Alors je me suis dit, quitte à choisir ta chance, tu dois la saisir. Peu importe les blabla, tu pourras toujours compter sur Luna. Lâche pas, continue le combat, c'est grâce à vous que je suis encore là. On est des mauvaises herbes, on prend racine dans les flaques de sang. Peine, gifle et rage au ventre. C'est la grand voile, jeter l'encre, vaisseau pirate, la concurrence tremble. Je chante ma douleur sur des tonnes de samples. Pareil que pour réussir, faut baisser son froc. Fuck, hors de question, c'est pas le genre de la maison. Je donne pas de leçons, le mal m'attire comme un hameçon. Garçon, fais pas de con, pareil que la vie est belle. Yeah, la haine c'est passionnel, le rap c'est personnel. À quoi bon parler d'amour si personne m'aime. Tes problèmes sont tes problèmes, personne t'aide. Le temps c'est de l'argent, moi j'ai pas sommeil. La haine c'est passionnel, le rap c'est personnel. À quoi bon parler d'amour si personne m'aime. Tes problèmes sont tes problèmes, personne t'aide. Le temps c'est de l'argent, moi j'ai pas sommeil. La haine c'est passionnel, le rap c'est personnel. À quoi bon parler d'amour si personne m'aime. Je n'oublierai jamais. Regarde en avant, calcule pas les gens, jamais, lunatique, motherfucking shit, 970.